France Musique. The next stop is 42nd Street. Come here, Vinny. Laurent Vallière, 42e rue. Bonjour à tous et bienvenue en direct au studio 106 de Radio France. Alors, je vous plante le décor, si vous voulez bien. On est à l'intérieur d'une manufacture, sur le côté droit au fond. Une grande table rectangulaire sur laquelle viennent s'installer de part et d'autre les musiciens, parfois en bleu de travail, et le directeur musical. Et puis, tout autour, des escaliers, des bureaux, des colis que vont manipuler cet acteur, accompagné de toute une série de marionnettes que ces mêmes acteurs anime ta vie à vue. C'est le décor, en fait, de la toute nouvelle production de l'opéra de Katsu, le célèbre opéra satirique, ou comme le dit le programme, la comédie en musique, de Kurt Weill et Bertolt Brecht, créée en 1928. Jean Lacornerie signe une toute nouvelle mise en scène de l'opéra de Katsu, qui a été créée il y a quelques jours à Calais, qui sera bientôt en tournée en France, et bien avant de s'installer à partir de vendredi à Lyon, au Théâtre de la Croix-Rousse, toute la troupe et ce matin, ici, à la Maison de la Radio, en direct pour un nouveau concert privé de 42e rue, avec une particularité ce matin, parce que si dans la pièce que met en scène Jean Lacornerie, les dialogues sont en français, les chansons resteront dans la langue de Brecht. Première découverte, par exemple, de cette nouvelle production, eh bien nous sommes au début du troisième acte. Monsieur Pichoum, c'est le roi des mendiants, il menace le chef de la police d'inonder Londres de miséreux lors des célébrations du couronnement de la reine. Et il raille en passant la vanité de l'homme. Alors en allemand, ça se dit, pardonnez mon accent, « Das Lied von der Unzulänglichkeit menschlichen Strebens ». Je vous rassure, Jacques Verzier parle beaucoup mieux que moi. Il est accompagné au piano par Stan Kramer et à l'accordéon par Romuald Lefebvre. Et je vous traduis quelques paroles. Oui, cours après le bonheur, mais ne cours pas trop tout de même. Car tous, ils courent derrière le bonheur, mais c'est le bonheur qui les poursuit. Der Mensch lebt durch den Kopf. Sein Kopf reicht ihm nicht aus. Versuch es nur von deinem Kopf, lebt höchstens eine Laus. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlau genug. Niemals merkt er eben diesen Lug und Druck. Ja, mach nur einen Plan, sei nur ein großes Licht. Und mach dann noch nen zweiten Plan, gehen tun sie beide nicht. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlecht genug. Doch sein höheres Streben ist ein schöner Zug. Ja, renn nur nach dem Glück, doch renne nicht zu sehr. Denn alle rennen nach dem Glück, das Glück rennt hinterher. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht anspruchslos genug. Drum ist all sein Streben nur ein Selbstbetrug. Jacques Verzier, en français, c'est le chant de la vanité de l'effort humain. Alors, au cours de ce même troisième acte de l'opéra de Katsu, c'est au tour de Jenny, la prostituée qui a dénoncé Maki, le surineur, de chanter la vanité des ambitions et des gloires humaines. Au cours de cette chanson, intitulée « La chanson de Salomon », elle cite César, perdu par son audace, Cléopâtre, perdu par sa beauté, et Salomon par sa sagesse. C'est Nolwenn Corbel qui interprète Jenny, accompagnée au piano par Stan Kramer et à l'accordéon par Romuald Lefebvre. Ihr sagt den weisen Salomon, ihr wisst, was aus ihm wurde. Der Mann war alles sonnenklar, er verfluchte die Stunde seiner Geburt und sah, dass alles eitel war. Wie groß und weis war Salomon. Und zehnte war es noch nicht Nacht, da sah die Welt die Folgen schon. Die Weisheit hatte ihn so weit gebracht. Beneidenswert, wär frei davon. Ihr sagt den kühnen Cäsar dann, ihr wisst, was aus ihm wurde. Der saß wie ein Gott auf nem Altar und wurde ermordet, wie ihr erfuhrt. Und zwar, als er am größten war. Wie schrie der laut, auch du, mein Sohn. Und seht, da war es noch nicht Nacht, da sah die Welt die Folgen schon. Die Kühnheit hatte ihn so weit gebracht. Beneidenswert, wär frei. Seht ihr, Markief und mich, Gott weiß, was aus uns wird. So groß war unsere Leidenschaft, wo haben wir uns hierhin verirrt, dass man ihn jetzt zum Galgen schafft. Da seht ihr Seht, da war es noch nicht Nacht, da sah die Welt die Folgen schon. Die Leidenschaft hat uns so weit gebracht. Beneidenswert, wir frei davon. La la, la la, la la. Nolwenn Corbel, en direct sur France Musique pour ce concert privé avec la troupe de cette nouvelle production de l'opéra de Katsu, mise en scène par Jean Lacornerie. Bonjour Jean Lacornerie. Bonjour. Alors vous êtes directeur du théâtre de la Croix-Rousse à Lyon depuis 6 ans. Vous êtes passé par la Comédie Française, le théâtre de la Renaissance à Lyon. Vous aimez mettre en scène les comédies musicales, pas seulement, mais aussi les comédies musicales. On a vu sous votre direction des comédies musicales de George Gershwin, de Richard Rodgers et Oscar Hammerstein. Mais on sent bien que vous avez une certaine prédilection pour Kurt Weill. Vous aviez mis en scène il y a 8 ans Lady in the Dark, une formidable production, ainsi que One Touch of Venus, signé Venus. Qu'est-ce qui vous intéresse tant chez Kurt Weill? Mais ce qui m'intéresse, c'est combien il a su utiliser la musique dans le théâtre. Comment sa musique, qui est une musique assez sophistiquée, apporte à la comédie musicale ensuite, comme dans sa période américaine, mais dans la période allemande, quelque chose de très... un arrière-plan, quelque chose, une émotion qui est très très particulière et que je trouve très belle. Voilà. Et puis j'aime aussi beaucoup le parcours de Kurt Weill, je trouve que c'est absolument extraordinaire de voir d'où il est parti et où il est arrivé et combien il a su expérimenter toutes les formes du théâtre musical, parce qu'il y a de la comédie musicale, il y a du théâtre avec musique, il y a des Lehrstücke, il y a des opéras, enfin c'est extraordinaire tout ce qu'il a pu essayer. Alors du coup, pourquoi attendre aussi longtemps pour s'attaquer à son œuvre que tout le monde connaît, phare on va dire, l'opéra de Katsu? Parce que, dans un premier temps, je trouvais qu'il fallait un peu dire que Kurt Weill n'était pas que l'auteur de l'opéra de Katsu. Souvent, les auteurs d'un très grand chef-d'œuvre, leurs autres œuvres sont un peu oubliées. Et je trouvais qu'il fallait aussi dire qu'il avait écrit beaucoup d'autres très belles choses. Mmh. Mais là, il se trouve que j'ai eu une opportunité, grâce à Patrick Bev et à La Clé des Champs, de producteur monter cet opéra de quatre sous et que c'est aussi bien de voilà de jouer aussi le chef-d'œuvre. Alors j'avais envie de vous dire là actuellement je crois qu'il y a 4 productions de l'opéra de quatre sous actuellement en France. Il y en a une évidemment de Bob Wilson actuellement au théâtre des Champs-Élysées entièrement en allemand. Il y a celle d'Olivier Desbordes avec Nicole Croisy qu'on a reçue la saison dernière dans 42e rue. Celle du Suisse Johan Mompard. J'avais envie de vous dire qu'est-ce qu'on peut faire de neuf avec l'opéra de quatre sous. Comment vous y êtes pris? Bah, j'ai essayé d'avoir un point de vue un peu simple, de me dire... c'est vrai que quand on aborde l'opéra de quatre sous, on est tout de suite envahi par les autres productions, comme vous dites, puis toutes celles qu'on a déjà vues. Il y a toute une tradition énorme voilà, qui sur l'opéra de quatre sous. Et donc, je me suis dit, il faut essayer d'aborder l'œuvre de la manière la plus simple, c'est-à-dire revenir au texte. Et donc j'ai demandé à René Fix de faire une nouvelle traduction déjà pour commencer, essayer de voir qu'est-ce qu'il y avait dans ce texte allemand, parce que moi je ne suis pas germaniste, donc j'avais besoin de comprendre ce qui était écrit à l'origine par Brecht au-delà de la traduction française qu'on peut trouver couramment. Et puis je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs versions du texte, que Brecht avait beaucoup remanié son texte. Et je me suis dit, ça vaut la peine de faire comme un travail un peu de baroque, si je puis dire, c'est-à-dire vraiment de partir de la version originale, le texte qui a été joué à la création. Ah, c'est pas ce qu'on voit actuellement. Si, si, c'est ça. Non, mais c'est pas ce qu'on voit actuellement dans les autres productions. La plupart du temps, non, parce qu'en fait, l'édition française a été faite à partir du texte remanié par Brecht en 55. Mm-hmm. Hein, donc, de 1928 à 55, il y a quand même un bail. Et beaucoup de choses qui se sont passées. Et donc, il y a beaucoup d'ajouts qui ont été faits par Brecht. Et je me trouvais intéressant de juste de se dire qu'est-ce qui a fait que cette œuvre, qui a été un énorme succès, une espèce de bombe dans le théâtre musical, qu'est-ce que c'était, qu'est-ce qu'ils ont vraiment joué en 1928? Et qu'est-ce qu'ils ont ajouté depuis? Alors, qu'est-ce que vous avez supprimé, du coup, qu'on va découvrir quand on ira voir l'opéra de Katsu? C'est des ajouts ici et là. Il y a, par exemple, à la fin de la pièce, il y a un grand monologue que dit Mackie Messer à propos des multinationales. Il dit, en fait, bon, les brigands qu'ils représentent sont en voie de disparition, sont des petits boutiquiers, que en fait c'est les grandes multinationales qui vont prendre le relais, et il pose cette question magnifique de dire finalement qui est le plus grand voleur, celui qui braque la banque ou celui qui la fonde. Mm-hmm. Mais ça c'est un monologue en fait qui a été écrit dans Happy End, que j'ai d'ailleurs monté il y a quelques années, de Kurzweil aussi, et qui a été rajouté après parce que Happy End n'a pas du tout marché, donc Brecht a repris ça et l'a mis dans l'opéra de quatre sous. Alors, on va continuer de découvrir votre version avec vos acteurs, Jean Lacornerie, ce matin. Voici peut-être le personnage le plus connu de l'opéra de quatre sous. Il s'appelle Mackie. C'est le roi de la pègre. Il est couvert par le chef de la police. Et on le retrouve maintenant au bordel avec une prostituée qui bientôt va le dénoncer. L'air s'intitule « Sous Helter Ballade », la ballade du souteneur. C'est Vincent Eden qui incarne Mackie, mais franchement, vu de loin... Torse nu, simplement vêtu d'une veste, on aurait pu le prendre pour Jésus-Christ Superstar quand j'ai été voir le spectacle à Roubaix. Et c'est Nolwenn Corbell qui interprète la prostituée. Je vous fais la traduction très rapidement. Voilà ce que chante la prostituée Jenny. Quand venait un client, je foutais le camp du lit. J'allais prendre mon verre de kirsch et j'étais très gentil. Et quand il crachait son fric, je lui disais, monsieur, si l'envie vous reprend, je vous en prie. Eine Zeit, die jetzt vergangen ist, liebten wir schon zusammen, sie und ich. Die Zeit liegt fern, wie hinter einem Rauch. Ich schützte sie und sie ernährte mich. Es geht auch anders. Doch so geht es auch. Und wenn ein Freier kam, kroch ich aus unserem Bett und drückte mich zu meinem Kiesch und war sehr nett. Und wenn er blickte, sprach ich zu ihm, Herr, wenn Sie mal wieder wollen, bitte sehr. So hielten wir's ein gutes halbes Jahr in dem Bordell. Unser Haushalt war. Musik. gegangen ist, war er mein Freund, ich war ein junges Ding. Und wenn kein Zaster war, hat er mich angehaucht. Da hieß es gleich, du, ich versetz dir deinen Ring. Ein Ring, ganz gut, doch ohne geht es auch. Da wurde ich aber tückisch in der Weiste. Ich frag ihn manchmal direkt, was er sich erdreist. Da hat er mir ab eins ins Zahnfleisch gelangt. Da bin ich manchmal direkt drauf erkrankt. Das war so schön in diesem halben Jahr. In dem Bordell, wo unser Haushalt war. Au bordel, comme si vous y étiez avec l'accordéon de Romuald Lefebvre, le piano de Stan Kramer et la voix de Nolwenn Corbel et de Vincent Eden. Ce matin, c'est Cabaret dans 42e rue, en direct du studio 106 de la Maison de la Radio. Alors, on va découvrir d'autres personnages de cette nouvelle production de l'opéra de Katsu, à l'affiche à partir de vendredi au Théâtre de la Croix-Rousse à Lyon. C'est Monsieur et Madame Pitchoum. C'est lui, bien lui est le roi donc des mendiants, elle et sa femme. Et voilà qu'ils découvrent que leur fille, Polly, a non seulement découché, mais s'est mariée à Maki, le roi des voleurs. Et à la fin du premier acte, les trois, les parents et la fille, sont réunis autour d'une chanson qui aurait pu être dramatique, mais Bertolt Brecht, fidèle à son envie de laisser une certaine distance entre la pièce et les spectateurs, le fameux effet de distanciation, écrit une chanson sur l'instabilité des choses humaines. Traduction, être un homme bon qui ne le souhaiterait pas, mais hélas, sous les étoiles ici-bas, les moyens sont restreints et les hommes mauvais. Pauline Gardel et Polly, Florence Pelli et Madame Pitchoum et Jacques Verzier, Monsieur Pitchoum. Was ich möchte, ist es viel. Einmal in dem tristen Leben einen Mann mich hinzugeben. Ist das ein zu hohes Ziel? Ist das ein zu hohes Ziel? Das Recht des Menschen ist's auf dieser Erde, da er doch nur kurz lebt, glücklich zu sein, teilhaftig aller Lust der Welt zu werden, zum Essen Brot zu kriegen und nicht einen Stein. Das ist des Menschen nacktes Recht auf Erden, Doch leider hat man bisher nicht vernommen, dass etwas recht war und dann war's auch so. Wer hätte nicht gern einmal recht bekommen? Doch die Verhältnisse, sie sind nicht so. Wie gern wär ich zu dir gut, alles möchte ich dir geben, dass du etwas hast vom Leben, weil man das doch gerne tut, weil man das doch gerne tut. Ein guter Mensch sein, ja, wer wär's nicht gern? Sein Gut den Armen geben, warum nicht? Wenn alle gut sind, ist sein Reich nicht fern. Wer säße nicht sehr gern in seinem Licht? Ein guter Mensch sein, ja, wer wär's nicht gern? Doch leider sind auf diesem Sterne eben die Medien herrlich und die Menschen roh. Wer möchte nicht in Frieden und Eintracht leben? Doch die Verhältnisse, sie sind nicht da so. Da hat er eben leider recht, die Welt ist arm, der Mensch ist schlecht. Natürlich hab ich leider recht, die Welt ist arm, der Mensch ist schlecht. Wer wollt auf Erden nicht ein Paradies? Doch die Verhältnisse gestatten sie's. Nein, sie gestatten's eben nicht. Dein Bruder, der dort an der Heimwand hat, für zweites Fleisch nicht hand. Er dir eben ins Gesicht, ja, dankbar sein wolltest nicht. Und deine Frau, die an der Heimwand deine Liebe eher nicht langt, sie dir eben ins Gesicht, ja, dankbar sein wolltest nicht. Und doch dein Kind, das an der Heimwand ja sein altes Brot nicht langt, kriegt es dir eben ins Gesicht und dankbar sein wolltest nicht. Ja, das ist eben schade, das ist das richtig schade. Die Welt ist arm, der Mensch ist schlecht, da hat es eben leider recht. Natürlich hab ich leider recht, die Welt ist arm, der Mensch ist schlecht. Wir wären gut, anstatt so roh. Doch die Verhältnisse, sie sind nicht so. Wir wären gut, anstatt so roh. Doch die Verhältnisse, sie sind nicht so. Ja, dann ist freilich nichts damit, dann ist das eben alles Kitz. Die Welt ist arm, der Mensch ist schlecht, da hab ich eben leider recht. Und das ist eben schade, das ist das riesig schade. Laurent Vallière, 42e rue, France Musique. Bonjour Jacques Verdier. Bonjour. Bonjour Pauline Gardel. Bonjour. Bonjour Nolwenn Corbel. Bonjour. Et Vincent Eden. Bonjour. Alors qui parle le mieux allemand de vous tous? Nolwenn. C'est Nolwenn. Non, moi je fais semblant. Vous parlez breton et allemand? C'est oui, breton c'est ma langue maternelle et allemand, oui. Je l'ai appris à l'école, comme beaucoup d'autres. Ce qui est très intéressant dans ce casting qu'a fait Jean Lacornerie de l'Opéra Katsu, c'est que ça mélange à la fois des artistes qui sont habitués du théâtre musical et d'autres que je n'avais jamais vus dans le théâtre musical. Nolwenn Corbel, c'est votre première comédie musicale? Dans ce sens-là, plus comédie avec un chorégraphie et tout ça, oui. Après, j'avais déjà interprété un rôle chanté dans une autre pièce de Brecht, Maître Puntila et son valet Matti, où je chantais les chansons qui sont chantées entre les tableaux, en fait, en allemand déjà. Donc, c'était pas tout à fait la première fois, mais c'est. Mais comme ça, à ce point, comédie musicale, oui, oui, première. Pauline Gardel, vous aussi, c'est votre première? Oui, si on veut. Enfin, c'est mon deuxième projet, pareil, de comédie musicale dans ce sens-là. J'avais chanté au théâtre, mais dans des pièces. Et puis sinon, je fais de la variété, surtout en musique. Et alors, qu'est-ce qui vous intéressait, vous quatre, alors, dans ce projet, dans cet opéra de Katsu, de Kurt Weill? Moi, c'est un opéra qui est. Enfin, c'est une pièce qui est très très importante pour moi, parce que je l'ai découvert assez jeune. Et j'ai ce qui m'intéresse déjà, la musique est absolument magnifique, et puis l'ambivalence des personnages est très intéressante, et je trouve que même en ayant vu la pièce plusieurs fois, en l'ayant lu plusieurs fois, on découvre à chaque fois des petites particularités sur chaque personnage. Jacques Verdier, c'est votre première expérience dans l'opéra de Katsu? Oui. J'ai failli le faire il y a 20 ans, c'était évidemment le rôle de Maki, donc 20 ans plus tard, Ben voilà. J'ai fait Pitchoum. Et puis, bon, bah, quand Jean me propose quelque chose, j'ai tendance à accepter par principe. Hein, donc, moi, il n'y a pas de... Voilà, c'est surtout ça. Mais non, j'adore Weil. J'adore Weil. Vincent Eden, alors moi, j'étais surpris de vous entendre. Vous étiez venu la saison dernière. On vous avait offert une carte blanche sur la 42e rue de France Musique. Et vous nous aviez chanté, je crois, deux lignes en allemand. Deux lignes que je connaissais, oui. Voilà, là, je vois, vous en connaissez beaucoup plus. Mais c'est la première fois que vous chantez en allemand ? Non, c'est pas la première fois, mais autant, si. Mais ouais. Ça m'est déjà arrivé de chanter en allemand et dans d'autres langues incroyables. Mais c'est la première fois que sur tout un spectacle et un personnage, parce que finalement, la langue qu'on chante nous construit aussi le personnage, même si on joue en français à côté. Donc ça m'intéressait beaucoup. C'est très rappeux, hein. Est-ce que ça change la langue est très rappeuse. Est-ce que ça vous aide? Non, vous n'êtes pas d'accord. C'est pas rappeux qui me viendrait. C'est plutôt, je trouve que c'est rythmique en fait. Je trouve que ça nous met comme un corset. Et j'avoue que j'aime bien ça dans le jeu, être tenu, être limité pour trouver ma liberté à l'intérieur d'un carcan comme ça. Et c'est ce que je retrouve dans cette langue. Et finalement, j'aime assez ça. Je sais pas ce que ça donne à écouter, mais j'aime assez le chanter. Nolwenn Korbel. Puis la musique est écrite pour cette langue et la langue est écrite pour cette musique. Enfin, c'est tellement juste de garder ces chansons en allemand par rapport à la musique et comment ça a été créé et écrit que ça coule de source. Donc moi, je n'entends pas ça rappeux. C'est juste. Voilà, je dirais que âpre peut-être. Je sais pas, mais ça paraît toujours. C'est un peu le propre aussi des francophones de trouver âpre d'autres. Enfin, on trouve âpre ou étrange d'autres langues qu'on ne connaît pas. Mais je pense que peut-être pour des Allemands, le français, je sais pas. C'est une langue qui a beaucoup de consonnes aussi, donc ça peut paraître âpre, mais ça reste des mots rythmés. Après, ça dépend consonnes. Comment on le dit. Toujours pareil. Tu dis tellement bien, c'est vrai. C'est vrai que le danger, c'est Jacques Verdier. Le danger, c'est d'accentuer le côté Papa Schulz quand on est pour des Français. Il faut un tout petit peu oublier les pastiches d'accent allemand, quelque chose comme ça, et revenir à la vérité de la langue, quoi. Vincent Eden, avant de vous entendre à nouveau au micro, au studio 106. Expliquez-moi, là, je me trompe quand je disais aux auditeurs que torse nu, avec simplement une veste et un collier, vous ressembliez à Jésus-Christ Superstar. C'est une idée de qui? Pour Makis, c'est original de Makis. C'est Robin Chemin, forcément, qui a créé tous les costumes, et j'imagine que c'est en concertation avec Jean. Jean Lacornerie, metteur en scène. En fait, dans l'opéra de Katsu, ce que dit Brecht assez clairement, c'est que Makis, en fait, s'habille comme un bourgeois. Et en fait, tout le truc de l'opéra Katsu, c'est de dire les bandits veulent devenir des bourgeois et les bourgeois sont en fait des bandits. C'est ça la base. Et je me suis dit, finalement, si on veut faire ça aujourd'hui, les bourgeois, ils ont une espèce de fantasme du show business. Voilà. Ils fantasment sur les acteurs, ils veulent s'habiller comme les gens du show business. C'est pour ça que j'ai mis Makis en rockstar. D'accord, donc ce n'est pas rappeux, mais vous l'avez habillé en rappeur, j'ai compris. Vincent, je vous laisse aller au micro parce qu'on retourne à notre concert privé en direct avec la troupe de l'Opéra de Katsu, donc cette nouvelle production de Jean Lacornerie. Vincent Eden incarne un assassin, Makis le surineur. Il a été dénoncé par sa prostituée, Jenny. Il est mis en prison et dans un texte qui, je crois, pastiche François Villon, il se met à faire l'apologie de la vie facile sur une musique qui emprunte au jazz band américain. Un petit mot à rajouter Makis le surineur. Vous avez tout dit, c'est parfait. On y va. Messieurs, jugez vous-même. C'est ça la vie. Moi, je ne trouve pas ça très savoureux. Déjà, quand j'étais petit, on me disait Nous wir im Wohlstand lebt, lebt angenehm. Da preist man uns das Leben große Geister. Das lebt mit einem Buch und nichts im Magen. In eine Hütte daran Ratten nagen. Mir bleibe man vom Leib mit solchem Kleister. Das simple Leben lebe wer da mag. Ich habe unter uns genug davon. Kein Vögelchen von hier bis Babylon. Vertröge diese Kost nur einen Tag. Was hilft da Freiheit? Es ist nicht bequem. Nur wer im Wohlstand lebt, lebt angenehm. Die Abenteurer mit dem kühnen Wesen, und ihrer Gier die Hand zu Mark zu tragen, die stets so frei sind und die Wahrheit sagen, damit die Spießer etwas Kühnes lesen, wenn man sie sieht, wie das am Abend friert, mit Kattegat im Sturm zu Bette geht und horcht, ob jemand klatscht und nichts versteht und trostlos in das Jahr 5000 stiert. Was hilft der Freiheit? Es ist nicht bequem. Nur wer im Wohlstand lebt, lebt angenehm. Ich selber könnte mich durchs Haus begreifen, wenn ich mich liebe groß und einsam sehe. Doch sah ich solche Leute aus der Nähe, das sag ich mir, da musst du dir verkneifen. Armut bringt außer Weisheit auch Verdruss und Kühnheit außerum auch bittere Mühen. Jetzt warst du arm und einsam, frech und kühn. Jetzt machst du mit der Größe aber Schluss. Dann löse ich gern von selbst das Glücksproblem. Nur wer im Wohlstand lebt, lebt angenehm. En direct du studio 106 de France Musique à 11h31 et 35 secondes, réglez vos montres, hein, on est passé à l'heure d'hiver. C'était Vincent Eden et la balade de la vie agréable accompagnée par Stan Kramer au piano. Alors l'opéra de Katsu, on le sait aussi, on va en parler dans un instant avec le pianiste Stan Kramer et Jean Lacornerie, le metteur en scène, est directement inspiré de l'opéra des Gueux. C'est un opéra satirique de John Gay en 1728 qui se moquait des opéras bien vus en cours. Et donc, du coup, dans l'opéra de Katsu, il y a encore un autre moment de détente qui pastiche les duos d'opéra et d'opérette. Un crépage de chignon en bonne et due forme autour de Maki, le surineur, entre Polly, la fille du roi des mendiants qui vient de se marier avec Maki, et puis Lucie, la fille du chef de la police qui prétend attendre un enfant de Maki. Ça s'intitule le duo de la jalousie, au crépage de chignon, Pauline Gardel et Amélie Munier. Komm heraus, du Schönheit von Soho, sei doch mir mal deine hübschen Beine. Meinst du mich? Ich möchte auch mal was Schönes sehen, denn so schön wie du gibt es doch kein. Du Dreckhaufen! Selber Dreckhaufen! Du sollst ja auf meinen Wechsel scheinen Eindruck machen! Sag ich das? Sag ich das? Na, da muss ich aber wirklich lachen! Musst du das? Musst du das? Oh, das wäre ja gelacht! Ja, das wäre so gelacht! Wenn die Schmack aus dir was macht! Wenn die Schmack aus mir was macht! Oh, oh, oh, mit so einer befasst sich sowieso keiner! Na, das werden wir ja sehen! Ja, das werden wir schon sehen! Ja, das werden wir ja sehen! Ja, das werden wir schon sehen! Et au piano de ce crépage de chignon, Stan Kramer. Bonjour Stan Kramer. Bonjour. Alors on vous connaît dans le monde de la comédie musicale parce que vous avez certes beaucoup travaillé avec Jean Lacornerie, c'était sur d'autres comédies musicales de Kurt Weill ou même sur des comédies musicales de George Gershwin, mais on vous connaît aussi parce que vous avez été dans La Fosse, directeur musical à Mogador, notamment de La Belle et la Bête et de Sister Act. Je me trompe quand je dis que ça par exemple c'est un pastiche d'un duo d'opéra ? Non, pas du tout. Il y a une évidente volonté de faire quelque chose de tourner en dérision des traditions musicales déjà existantes à l'époque. Donc c'est effectivement un pastiche, oui, de duo d'opérette qu'on à la fois on a l'impression d'avoir déjà entendu quelque chose et en même temps c'est quand même signé Kurt Weill. C'est-à-dire que c'est ça que j'aime bien chez ce compositeur, c'est que il a beau toucher un petit peu à tout un tas de styles musicaux qu'il a pu connaître, qu'il a pu apprendre dans ses études, qu'il a pu entendre à son époque, il y a toujours quelque chose qui nous ramène à lui, qui lui est propre. Et qui est, on sent vraiment, même dans un pastiche, on entendra tout à l'heure dans le final de la pièce, on a de tout. On a du Mozart, on a du Wagner, on a quelques petits accents un peu Gustave Mahler, on a de l'opérette, de l'opéra. Mais quoi qu'il en soit, c'est toujours signé Kurt Weill. Et donc il y a des genres, il emprunte aussi aux genres populaires dans cette œuvre. Oui, on l'a vu avec la chanson qu'a chanté Vincent tout à l'heure. En fait, c'est une époque, on est en 1928, donc c'est une époque, où tout le monde, j'ai envie de dire, tout le monde se cherche. On sort de l'époque... d'une manière assez parlante. On sort de l'époque du romantisme allemand, on est dans le post-romantisme avec certains compositeurs qui sont encore là, Richard Strauss, mais il y a aussi encore des gros mastodontes de l'opérette, avec Franz Lehár à l'époque. Et c'est aussi l'essor de la chanson réaliste. En Europe, en France, en Allemagne, il y a aussi d'autres composantes plus techniques qui sont arrivées. Il y a le disque, il y a le film, qui est parlant depuis peu, je crois, en 1928. Donc tout un tas de divertissements nouveaux qui amènent des styles de musique nouveaux. Et Kurt Weill, en pleine inflation dramatique en Allemagne, avec des conditions matérielles désastreuses, va se retrouver à faire du piano bar, ce qu'on appelle aujourd'hui du piano bar. Il va descendre dans les caves, faire du cabaret, il va côtoyer de près tous ces chanteurs, ces chanteuses de chansons populaires. Et alors ce qui est très étrange dans l'opéra de Katsuki quand même, c'est l'écart incroyable entre le texte, alors je disais âpre, mais enfin le texte dur de Bertolt Brecht, et parfois la musique légère de Kurt Weill, non ? Voilà, exactement. C'est ce qui va faire, je pense, que l'opéra de Katsu fait parler encore de lui aujourd'hui. C'est vraiment une œuvre charnière. On l'entendra tout à l'heure en fin d'émission, ce fameux premier numéro chanté de l'opéra de Katsu, la balade de le Moritat, la balade de Macky. Mac the Knife en anglais. En anglais, voilà. On a un texte extrêmement dur, effectivement. Bertolt Brecht a fait un texte d'une cruauté, d'une crudité et d'une simplicité désopilante. C'est le portrait du tueur, Macky Messer. Messer en allemand veut dire couteau, c'est pas pour rien. C'est l'arme du crime. Il décrit dans ce numéro les gens qu'on retrouve morts sur la plage, celui qu'on n'a jamais retrouvé, celle qu'on retrouve avec un couteau planté dans le sein, l'autre qui a été violé, un incendie qui a emporté 7 enfants et un vieux. Enfin, c'est le portrait du tueur en série. Donc pour l'époque, aujourd'hui ça, peut-être que ça m'effraierait moins, mais en tout cas à l'époque c'était extrêmement violent sur une scène de théâtre, en tout cas un texte pareil. Et on peut penser que à l'époque un compositeur n'importe lequel aurait pu se dire bon bah sur un texte aussi dur, je vais faire une musique, je vais jouer n'importe quoi, une musique sombre avec un genre. Bon, voilà le tueur, ça y est, on va décrire, on va faire le portrait. Quelque chose de dramatique, plus opératique ou peut-être plus mélodie populaire, je ne sais pas. Eh bien, Kurt Weill, il va se dire, eh ben non, moi je ne vais pas faire ça. Moi, je veux faire. Il veut pas d'une musique. Il veut pas se mettre à la place de l'auditeur ou du téléspectateur. Du spectateur, pardon. Il veut pas se mettre à la place du spectateur qui, lui, va attendre une musique qui illustre l'action qu'il voit sur scène, instinctivement. Il se dit non, moi je veux que ma musique. C'est ce qu'il reproche souvent à l'opéra romantique ou post-romantique. Souvent, la musique suit l'action, mais n'apporte pas grand-chose de plus. Alors, il y a des chefs-d'œuvre quand même dans ce domaine, hein. Mais c'est un peu ce que reproche Kurt Weill à l'époque. Il dit, moi, je veux une musique qui soit le reflet de la psychologie du personnage qu'on décrit sur scène. Donc, il va pas se mettre à la place du spectateur, il va se mettre à la place du personnage. Et alors, qu'est-ce qu'il fait, Macky, quand il tue tous ces gens et qu'il les viole? Ben, il s'amuse! Et c'est son quotidien! C'est tous les jours, il gagne sa croûte comme ça, et ça l'amuse follement. Donc, d'où la petite musique qu'on entendra tout à l'heure, qui sort de nulle part, qui a quelques notes, quelques accords, c'est limite lancinant, et on décrit la vie de Macky qui tue tout le monde, et qui s'amuse. Voilà, c'est vraiment la chanson, comme par hasard, cette mélodie qui, a priori, logiquement, on n'a rien à voir avec le texte, va renforcer la cruauté de ce texte pour en faire quelque chose dont on parle encore aujourd'hui. Vous nous avez mis l'eau à la bouche, on va l'attendre, cette chanson, je vous promets. Merci Stan Kramer. Et je vous promets, tout à l'heure, Amélie Meunier va l'interpréter, cette ballade de Mackie. Mais pour le moment, eh ben, on reste encore un peu dans le cynisme avec une chanson qui s'intitule « La ballade de la dépendance sexuelle ». Elle est entonnée par Madame Pitchoum, qui est furieuse parce que voilà, sa fille s'est mariée à Mackie. Elle veut à tout prix faire emprisonner ce goujat et elle sait comment le retrouver. Il suffit de soudoyer une prostituée dans le bordel qu'il fréquente. Sur scène, dans cette nouvelle production de l'Opéra de Katsu, celle qui interprète Madame Pitchoum, et ce matin nous l'interprète à la fois en allemand et en français, c'est Florence Pelli. Da ist nun eine schon ersatten selbe, der Metzger er und alle anderen Kerbe, der frechste Hund, der schlimmste Uhrentreiber, wie kocht ihn ab, dir alle abkocht. Weiber, das frag nicht, ob er will, er ist bereit. Das ist die sexuelle Hörigkeit. Er glaubt nicht an die Bibel, nicht ans BGB. Er meint, er ist der größte Egoist. Weiß, dass wir wahnsinnig schon verschoben ist und lässt kein Weib in seiner Nähe. Er soll den Tag nicht vor dem Abend loben, denn vor es Nacht willigt er wieder droben. En voici un seul diable en personne, grand putassier, toujours tout feu, tout flamme. C'est un bourreau qui jamais ne pardonne. Qu'est-ce qu'il perdra un beau jour? Les femmes, sans qu'on le prie chez lui, c'est un réflexe. La voilà bien la dépendance du sexe. Il crache sur la Bible et le code, il s'en fout. Il se prétend égoïste avant tout. Il sait qu'à la seule vue d'une femme, il flanche. Et loin des femmes, il se retranche. Mais dès le soir, il a le vague à l'âme. Avant la nuit, il file chez ses dames. Florence Pelli, dans cette nouvelle production de l'Opéra de Katsu et qui avait joué à la Comédie Française dans la production de l'Opéra de Katsu. Et là, c'était en langue française. Et maintenant, un célèbre duo dans cet opéra de Kurt Weill. Voici de pourri, on peut dire ça comme ça, je pense. Mackie, le roi de la pègre, et celui qui le couvre, qui n'est autre que le chef de la police. Ils se souviennent ensemble du bon vieux temps lorsqu'ils faisaient campagne dans l'armée des Indes. Le duo des canons est interprété par Gilles Bugeaud, qui est le chef de la police, et Vincent Eden, qui est Mackie. John war der Hunter und Jim war dabei. Und George ist ja John geworden. Doch die Armee, sie fährt keinen Weh sein. Marschierte hinauf nach dem Norden. Soldaten wohnen auf den Kanonen von Gap bis Kaschmea. Wenn es mal regnete und es begegnete ihnen eine neue Rasse, ne Brane oder Plasse, da machen sie vielleicht daraus ihr Bistek Tatar. Johnny war der Whisky zu warm. Und Jimmy hatte nie genug Decken. Aber Georgi nahm beide beim Arm. Und sagte, die Arme kann ich verrecken. Soldaten wohnen auf den Kanonen. Von Gap bis Kaschmir. Wenn es mal regnete und es begegnete in eine neue Rasse, ne Branne oder Blasse, da machen sie vielleicht daraus ihr Beefsteak, Tata. John ist gestorben und Jimmy ist tot. Und Johnny ist vermisst und verdorben. Aber Blut ist ihm noch rot. Für die Armee wird jetzt wieder geworben. Soldaten wohnen auf den Kanonen von Gap bis Kirchberg. Wenn es mal regnete und es begegnete in eine neue Rasse, ne Branne oder Blasse, da machen sie vielleicht daraus ihr Beefsteak, Tata. Deuxième rue sur France Musique, Laurent Vallière. En direct du studio 106 et en public. Alors parlons de cette production de l'Opéra de Katsu. C'est une coproduction, si je comprends bien, entre deux structures qui ne sont pas de Paris. Voilà, halte au parisianisme. Les Hauts-de-France et Lyon, La Clé des Champs, c'est votre structure, Patrick Bève. Oui. Et Jean Lacornerie, vous êtes directeur du théâtre de la Croix-Rousse. Alors Patrick Bève, pourquoi s'associer comme ça? Moi, c'est le fruit d'une rencontre. On s'était rencontrés sur Bells Are Ringing dans le cadre d'une coproduction il y a quelques saisons. Une autre comédie musicale. Et j'avais le souhait de monter l'opéra de Katsu. Et le travail de Jean que vous avez souligné, je partage complètement votre analyse. Et j'avais vraiment le désir de faire cet opéra de Katsu, qui est aussi une commande, un mot sur les tutelles qui nous aident. La région des Hauts-de-France, ex-Nord-Pas-de-Calais, puisque notre structure est aidée par ces collectivités depuis 20 ans. Nous fêterons nos 20 ans en 2017. Ainsi qu'une aide très volontariste, et ça mérite d'être souligné, du Conseil départemental du Pas-de-Calais, avec lequel on fait des opérations tout à fait inattendues dans les autobus, dans les écoles, crèches. Ce qui est intéressant. Et on voulait une opération emblématique, forte, avec cet opéra de Katsu, qui pour moi est une œuvre majeure, de par les thèmes qu'elle développe, la corruption, la trahison. C'était important en ces temps un peu troublés, j'y ai trouvé quand même quelques correspondances. Et c'est ce qui a guidé Jean et moi à monter cet opéra de Katsu. Mais ce qui est intéressant, c'est que La Clé des Champs, vous mélangez, comme Jean Lacornerie à Lyon, les œuvres lyriques et les œuvres de comédie musicale. Oui, le projet est pluriel. Hein. Ouais. Donc, nous allons de l'opéra traditionnel au théâtre de rue, en passant par une très grosse approche en direction du très jeune public. Nous avons des actions dans les crèches, par exemple. Là. Alors, pourquoi Et depuis quelques saisons, une approche en direction de la comédie musicale. Souvenez-vous de Cradle Will Rock, il y a quelques saisons, de Blitzstein, de Sweeney Todd, mise en scène par Olivier Benezèche, qui va d'ailleurs être repris les 9 et 11 novembre prochains à l'Opéra de Toulon dans sa forme avec grand orchestre et chœur. Aujourd'hui, cet opéra de Katsu, qui n'est pas de la comédie musicale, c'est du théâtre musical, Un bon baiser de Broadway qui circule depuis 3 saisons maintenant sur les terres des Hauts-de-France, sur un texte d'Alissa Landry mis en scène par Sébastien Fèvre. Donc on a une démarche qui s'affirme et aujourd'hui je suis très heureux parce que je suis en mesure d'annoncer la création d'Into the Woods de Sondheim en 2018 en partenariat avec l'Opéra de Reims et le théâtre élisabétain du château d'Ardelot dans le Pas-de-Calais. Ah, bah c'est une bonne nouvelle. Mise en scène par qui, on peut le dire? Benezèche. Olivier Benezèche. Eh bien, écoutez, bonne qu'on nouvelle. On va retrouver. Et compagnon de route de La Clé des Champs. Et bienvenue, bien sûr, sur le plateau de la 42e rue de France Musique. Alors, on termine avec le moment peut-être le plus intrigant et le plus parodique de l'opéra de Katsu. Stan Kramer en a parlé. C'est vraiment une parodie d'opéra. Vous savez, normalement, à cette époque-là, il faut toujours un happy end à l'opéra, 18e siècle. Donc, il y a toujours ce qu'on appelle un deus ex machina. Donc, la pièce se déroule normalement, Maki est en prison, Maki est condamné à mort, et puis il y a quelques minutes de sa pendaison, un personnage inédit apparaît, entre à cheval, c'est le messager du roi qui annonce non seulement la grâce de Maki, mais son élévation au rang de noble. Et là, ils sont tous en scène. C'est un vrai opéra. Jacques Verzier, Vincent Eden, Florence Pelly, Amélie Munier, Gilles Bugeaud, Pauline Gardel, Noël Corbel. Et Jacques Verzier qui a un message pour le public en cette fin de spectacle. Cher public, donc enfin, nous y sommes et M. McKeith sera pendu. Dans toute la chrétienté, les hommes toujours ne reçoivent que leur dû. Mais n'allez surtout pas croire que nous sommes les méchants. Pour McKeith reste toujours l'espoir d'un tout autre dénouement. Pour l'opéra, du moins, une autre fin, la pitié plus forte que le droit. Et parce que nous le voulons bien, enfin, moi je le... Oui, tout le monde est d'accord. Et vous aussi, j'imagine. Alors, puisque nous le voulons bien, place au sauveur, à l'envoyé du roi. Hoche, hoche, hoche, hoche, hoche, hoche, hoche, hoche, hoche, hoche, hoche, hoche, hoche, hoche, hoche, hoche, hoche, hoche, hoche, hoche, hoche, hoche, hoche, hoche, hoche, hoche, hoche, hoche, hoche, hoche, hoche, hoche, Des Königs reit an der Bote kommt, Bote kommt, Bote kommt. Des Königs reit an der Bote kommt, Bote kommt, Bote kommt. Hoch wer kommt, hoch wer kommt. Des Königs reit an der Bote, des Königs reit an der Bote. Des Königs reit an der Bote kommt, des Königs reit an der Bote kommt. Anlässlich ihrer Krönung befiehlt die Königin. Dass der Captain McKeith sofort freigelassen wird. Gleichzeitig wie gerne hiermit. In den erblichen Adelstand erhoben. Und ihm das Schloss macht Marell. Und eine Rente von 10.000 Pfund. Bis zu seinem Lebensende überreicht. Denn anwendenden Brautpaaren lässt die Königin ihre königlichen Glückwünsche senden. Gerettet, ja, ich wusste es, ja, ich wusste es, wenn die Not am höchsten ist, die Rettung am nächsten, wenn die Not am höchsten ist die Rettung am nächsten. Gerettet, gerettet, mein lieber Mag, es ist gerettet, ich bin sehr glücklich. So wendet alles sich am Ende zum Glück. Wie leicht und friedlich wäre unser Leben, wenn die rettenden Boten des Königs immer kämen. Darum bleibt alle stehen, wo ihr steht, und singt den Choral der Ärmsten, der Armen, deren schwieriges Leben ihr heute dargestellt habt. Denn in Wirklichkeit ist gerade ihr Ende schlimm. Die reitenden Boten des Königs kommen so selten. Und die getreten werden, treten wieder. Darum sollte man, das Unrecht ist zu sehr verfolgen. Nicht zu sehr. Et nous refermons ce cabaret 42e rue avec, vous l'attendez tous. Et je suis un peu déçu parce que j'espérais qu'Amélie Munier vienne en tenue affriolante qu'elle porte sur scène. Mais non, il faudra, même si vous regardez 42e rue qui est filmé, qui sera disponible en vidéo sur le site de francemusique.fr, vous ne la verrez pas en tenue affriolante. Néanmoins, elle est là avec sa voix en direct. Amélie Munier, Stan Kramer, Romuald Lefèvre et la fameuse complainte de Maki. Und der Haifisch, der hat Zähne und die trägt er im Gesicht. Und Makif, der hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. An dem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand und ein Mensch geht um die Ecke, den man Maki Messer nennt. Und Schmulmeier bleibt verschwunden und so mancher reiche Mann und sein Geld hat Maki Messer, dem man nichts beweisen kann. Jenny Brust und am Kai geht Maki Messer, der von allem nichts gewusst und das große Feuer in Soho, sieben Kinder und ein Greis. Fragt und der nicht weiß und die minderjährige Witwe, deren Namen jeder weiß, wacht auf und war geschändet. Maki Wetsches war dein Preis. Merci à toute la troupe de l'Opéra de Katsou que vous pourrez découvrir à partir de vendredi à Lyon au Théâtre de la Croix-Rousse, puis en tournée en France. Ils seront en novembre à Bourges, Villefontaine, Nevers, à Dole en décembre, à Reims, à Clamart et en janvier à Quimper. On vous a mis toutes les dates sur le site de France Musique, francemusique.fr, à la page de 42e rue, où vous pouvez évidemment réécouter, podcaster cette émission et même la voir puisqu'elle a été filmée grâce aux équipes de Camille Garin, Morgane Fougerie, Sofiane Merfou. À la lumière, il y avait Julien Mizen, Titouan Ouet et à la prise de son ce matin, Julien Douminc, Arnaud Chapat, Manon Houssin, Stéphane Touvenin, Maïwenn, Le Géant. Il y avait également aussi Marion Guillemet, Martine Moni et Fabien Florin. On se retrouve pour le prochain cabaret 42e rue en direct avec la troupe de 42e rue. Évidemment, il fallait le faire. Ça sera au Châtelet en direct le 13 novembre.